Bonjour tout le monde. Alors, qui bricole, on pourra se demander pourquoi est-ce qu'on parle de bricolage. Vous m'entendez bien, ça va là, voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle de bricolage dans une conférence sur la classe sociale? En fait, le concept de bricolage suscite un débat important en sociologie des religions autour de l'individualisme religieux, notamment ce qui concerne les formes un peu éclectiques, libres, ou soi-disant libres, de la vie religieuse contemporaine. Mes travaux sur récents, mais donc précédents, sur les gens qui explorent le yoga, la kabbale, la méditation, ce que j'ai appelé l'exotisme religieux, m'ont conduit à remettre en question l'idée de ce bricolage à caractère complètement personnel, qui serait sans logique socio-culturelle, et à montrer qu'en réalité, le bricolage est toujours affecté par l'ethnicité, l'âge, le genre et bien entendu les classes sociales. Donc, vous voyez le lien ici entre bricolage et classe, et je vais revenir un petit peu sur l'aspect théorique de tout cela. Donc ces mouvements religieux que j'ai étudiés dans cette idée d'exotisme religieux, mais également les techniques de développement personnel, les thérapies alternatives qui ont adopté l'éthos de la culture psy, contribuent bien souvent à la reproduction des classes moyennes en leur permettant de développer ce que Eva Illouz appelle un capital émotionnel. Le développement de soft skills, tels que la flexibilité, l'adaptation aux situations, le contrôle des émotions, surtout du stress, l'acquisition de qualités relationnelles, sont effectivement particulièrement valorisées dans les professions que ces classes moyennes occupent. J'ai également souligné que les versions psychologisantes du yoga, de la méditation, mais aussi du chamanisme, du bouddhisme, on pourra dire, du soufisme et de la kabbale, résonnent avec les compétences culturelles d'une fraction tout à fait spécifique des classes moyennes, que Bourdieu avait appelée la petite bourgeoisie nouvelle, et qui se trouve surreprésentée sur ce terrain de l'exploration de l'exotisme religieux. Tant comme producteur que consommateur de ces stages, de ces cours, de ces enseignements religieux. Cette petite bourgeoisie nouvelle exerce des professions nouvelles ou rénovées, impliquant la présentation, la production de biens et de services symboliques, qui donc représentent des enjeux vitaux pour sa reproduction. Donc, en un mot, enfin, il y a beaucoup de professions dans cette petite catégorie, mais ce que j'ai pu observer, c'est souvent des thérapies, des thérapeutes alternatives, des maîtres spirituels, des professeurs de yoga, et ainsi de suite. Et donc, cette strate est particulière parce qu'elle est constituée donc d'une fraction de la classe moyenne, mais un peu déclassée, qui cherche donc à se distinguer tant des classes inférieures que celles culturellement plus conventionnelles qui leur sont supérieures ou qui font aussi partie de la classe moyenne. Ils partagent donc une attitude anti-institutionnelle, refusent toutes les classifications et se retrouvent ainsi dans les stratégies d'hérésie et de subversion, hein, d'où l'aspect alternatif des thérapies, et ainsi de suite. Donc la présentation de ressources religieuses telles que le chamanisme, la kabbale ou le soufisme, et ainsi de suite, comme étant inclassables, inédites ou encore l'incessante diversification des formes de yoga, permettent à cette avant-garde culturelle de faire état de leurs compétences culturelles, de la renouveler et de maintenir ainsi leur rôle dans la production et la circulation de biens et services symboliques. On comprend bien donc que ces professionnels indépendants explorent continuellement cours et ateliers, mus par le désir de mettre la main sur des techniques qui seraient encore méconnues, mais pourtant ancestrales, différentes mais accessibles, afin de distinguer leurs pratiques professionnelles. Hein, c'est-à-dire que voilà. Moi, je suis professeur de yoga, mais maintenant, j'enseigne le yoga selon le maître X, Y, et donc c'est nouveau. En même temps, ça reste authentique. Ou je suis thérapeute, mais je vais maintenant utiliser les lettres hébreuses selon la kabbale. Donc, on essaye ici d'avoir toujours une niche qui doit toujours être nouvelle et en même temps authentique, ancestrale, et ainsi de suite. Ressources culturelles et religieuses ont donc fonction, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici rapidement, à créer de la distinction. Et ce type de bricolage contribue ainsi aux manières avec lesquelles des fractions de la classe moyenne se reproduisent en accédant et en domestiquant la culture des autres. Pour la sociologue britannique Beverly Skeggs, se sentir autorisé On parle en anglais de entitlement. Et j'ai jamais trouvé une bonne traduction pour ça. Donc, se sentir autorisé. To feel entitled. À s'approprier les ressources culturelles des autres dans les termes qui nous conviennent est également central dans les processus de distinction sociale et dans la reproduction des différences de classe. Donc c'est encore ici un argument pour remettre en question l'idée d'un bricolage à tout va et au contraire s'interroger sur qui peut s'approprier les ressources symboliques des autres dans la formation et la présentation de soi et qui peut être approprié. Skeggs, qui s'est intéressé à la formation des identités de classe et de genre, différencie les identités des classes laborieuses, relativement plus fixes car assignées, très souvent, de celles des classes moyennes. Ces dernières, considère-t-elle, sont bien plus en possession de leur individualité et capables d'optimiser, d'amplifier leur soi, their self, encore un terme que j'arrive pas bien à traduire, en possession finalement de leur individualité, capable d'optimiser et d'amplifier ce soi, tout en consommant des ressources symboliques sélectionnées. Alors cette manière de comprendre le bricolage se retrouve dans la notion d'identité prothétique, et là j'ai fait une petite copie, c'est prosthetic self, en français ce serait donc prothétique. Donc c'est l'idée de se mettre une prothèse finalement sur soi. Une expression qui vient de Marilyn Strathern et qui a été ensuite utilisée par Celia Lurie, qui cherche à saisir la manière dont l'identité individuelle est générée à travers des expérimentations, des ajouts, des détachements de ressources culturelles et religieuses, en bref des bricolages, c'est une autre manière de parler du bricolage, constituant ainsi tout autant d'extensions de l'individu. Mais la formation de cette identité prothétique suppose la légitimité et la capacité de prendre possession de ses ressources. Ça suppose aussi de savoir choisir les bonnes ressources, de savoir en jouer socialement. Par conséquent, ça suppose des prédispositions qui sont intimement liées à la stratification sociale. Le rôle crucial de la culture pour la formation des classes moyennes explique ainsi leur cosmopolitisme. Toutefois, pour Skeggs, il s'agit moins d'une capacité à dialoguer avec les autres cultures ou les autres religions qu'une manière de les détourner pour une esthétisation de soi. Donc dans l'exemple de mes précédents terrains, il ne s'agit certainement pas en pratiquant le yoga ou en étudiant la kabbale de s'identifier à l'hindouisme ou au judaïsme, mais de se distancier d'une bourgeoisie plus conventionnelle ou des classes laborieuses, non cosmopolites ou en tout cas non perçues comme telles. Leurs différences culturelles et ethniques étant généralement non valorisées et non valorisables. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, c'est très différent d'être un thérapeute féru de Kabbale que d'être un musulman algérien. Tout de suite, la différence culturelle, la diversité culturelle n'est pas perçue de la même manière, n'est pas valorisée de la même manière et ne peut pas être utilisée socialement dans des processus de distinction de la même manière. Dans cette perspective, nous pourrions donc dire que, en tant que pratique de reproduction sociale, le bricolage que j'ai pu étudier est une forme d'émancipation, certes, mais uniquement pour ceux qui ont le capital culturel leur permettant de s'y investir. On pourra donc suggérer que les travaux qui célèbrent le cosmopolitisme, l'irrévérence, l'esprit ludique des bricoleurs célèbrent en fait des dispositions de classe. Alors je voudrais à présent évoquer le bricolage au sein de populations peu prospères, peu cosmopolites également, avec un tout autre terrain qu'on pourra appeler la mouvance messianique et qui se caractérise par des bricolages entre judaïsme et christianisme qui sont sans précédent. Le mouvement messianique est devenu relativement transnational. Il plonge ses racines dans les missions chrétiennes du XIXe siècle qui avaient pour objectif de convertir les populations juives au christianisme. Mais il a pris une forme tout à fait différente dans la contre-culture des années 60, en particulier dans un contexte de redécouverte dans des mouvances chrétiennes des racines juives du christianisme, dans le contexte de la sécularisation rapide du judaïsme, et enfin la célébration des identités ethniques particulières. Donc il y a une réaffirmation, surtout au niveau des États-Unis dans les années 60, de l'identité juive, avec donc des juifs qui sont sécularisés, mais qui pourtant cherche des racines, et puis avec d'autres personnes intéressées par ces identités ethniques. D'un point de vue doctrinal, le mouvement messianique est un produit du prémillénarisme, prémillénarisme évangélique qui confère au peuple juif et à leur restauration en terre d'Israël un rôle central comme événement devant précéder le retour du Messie. Ainsi, quand certains messianiques cherchent à restaurer une pureté perdue du christianisme en retrouvant ses racines hébraïques, et c'est le cas de la congrégation d'Irlande du Nord que j'ai étudiée et dont je vais parler, d'autres, qui seraient d'origine juive, dans certains contextes, affirment leur identité juive. Et c'est ce qui est intéressant dans ce mouvement transnational, c'est que finalement, en fonction du contexte national et local, on va avoir des congrégations très très différentes en fonction des membres qui les composent. Certains, enfin, se découvrent une identité juive. Les bricolages des congrégations messianiques incluent parfois des éléments de culture évangélique ou charismatique. Toutefois, les membres peuvent porter la kippa ou le châle de prière propre au judaïsme, chanter en hébreu, utiliser des extraits du livre de prière juif, toutefois remanié pour y intégrer Jésus-Christ. Ils célèbrent le Shabbat ainsi que les fêtes juives, tout en pouvant rejeter Noël et Pâques comme étant des célébrations païennes. C'est encore une mouvance qui est peu étudiée, mais qui connaît une croissance mondiale rapide et assez récente, et représenterait une constellation de 800 congrégations qui n'a pas d'instance régulatrice ni de théologie commune. Donc j'ai entrepris depuis 2014 une observation participante en Irlande du Nord dans l'une de ces congrégations messianiques que l'on appellera ici Menorah. Et l'Irlande du Nord, c'est pas seulement parce que j'y habite, hein, c'est vrai que c'est pratique, mais c'est aussi une région tout à fait intéressante pour cette recherche en raison du sens qui a pris le conflit israélo-palestinien. En effet, les nationalistes républicains s'identifient souvent à la cause palestinienne, autres peuples opprimés et colonisés, quand les protestants unionistes se réfèrent aux Israéliens comme un peuple assiégé, incompris, qui leur ressemblerait. Les membres de Menorah sont tous d'origine protestante, circulent dans un certain nombre de réseaux et d'événements qui impliquent d'autres dénominations protestantes, mais aussi le Parti unioniste démocrate, le DUP, et l'association Northern Ireland Friends of Israel. Tout autant de milieux où des associations discursives sont explicitement faites entre Israël et protestants d'Irlande du Nord. Menorah a été fondée en 2007. Elle se définit, je cite, « comme un groupe de juifs et de gentils croyants en Yeshua ». Il y a quand même pas de juifs dans cette congrégation. Bon, c'est aussi, je pense qu'ils seraient très accueillants, évidemment. La population juive d'Irlande du Nord est très petite. Et elle se donne pour objectif, encore une fois je cite, de rééduquer les croyants dans les racines hébraïques de leur foi. Bon, ça laisse relativement peu de place pour les juifs ici, en l'occurrence. Le fondateur, Michael, a quitté la congrégation. Il était parti avec sa famille à Budapest afin de travailler pour une organisation évangélique, Ezra International. Ezra, motivé par un ensemble de prophéties bibliques à propos de la fin des temps, et en coopération avec l'agence juive, aide les juifs à émigrer en Israël. C'est donc à présent un couple de fidèles, Richard et Alice, qui administrent la congrégation et organisent les réunions. Certains membres ne sont attachés qu'à Menorah, d'autres continuent de fréquenter une autre église ou une autre congrégation. Ils se réunissent tous les vendredis soirs pour célébrer le Shabbat, généralement pour écouter le sermon d'un intervenant qui peut être soit un membre de la congrégation ou une figure religieuse locale protestante donc qui traite du judaïsme d'un point de vue qui les intéresse, ou encore un juif messianique, c'est-à-dire un de ces missionnaires souvent d'origine juive qui s'est converti au protestantisme souvent évangélique à un certain moment et qui font partie d'organisations internationales messianiques ou de missions de conversion des juifs qui circulent à travers le monde de congrégation en congrégation afin de parler et de trouver des fonds pour leurs projets. Pour ces travailleurs religieux itinérants, l'Irlande du Nord est une cible privilégiée car elle reste quand même une région très imprégnée de culture religieuse. Il y a certes un processus de sécularisation en Irlande du Nord, mais il est toutefois tardif par rapport au reste de l'Europe occidentale, ce qui illustre l'absence de mariage pour les homosexuels ou même l'absence de droit à l'avortement en Irlande du Nord. Menorah n'a pas de liturgie lourde, je dirais. Le Shabbat débute par une prière collective à haute voix, quelques chants protestants ou messianiques. On allume également les bougies de Shabbat et le service se termine par le kiddush, le partage du pain et du vin, le tout accompagné des prières juives remaniées, pour y inclure Jésus-Christ. On y prie pour la santé de chacun, pour que le peuple juif reconnaisse enfin Jésus-Christ comme le véritable Messie, pour qu'il retourne en Israël, pour l'armée israélienne, contre les terroristes arabes en Israël, contre l'antisémitisme, contre le mariage gay, contre l'avortement, pour le Brexit, justifié par la corruption d'une Europe sécularisée ayant perdu ses repères, ou encore pour les politiciens loyalistes lors des élections. Donc si on revient au bricolage ici, on a souvent pensé le bricolage comme étant d'abord associé au New Age, à la spiritualité, dans des milieux dérégulés, où les gens composeraient librement leur identité, leur système de croyance. Et on a souvent opposé ce bricolage à des religions plus stables, voire conservatrices, au sein desquelles des instances régulatrices limiteraient les activités de bricolage. Donc vous voyez, Stark et Bainbridge avaient proposé ainsi de distinguer deux réponses à la sécularisation, les revivals, le revival conservateur comme le protestantisme évangélique, et puis les innovations. Luckman aussi également avait écrit, je cite, que les conditions structurelles conduisant à des formes variées de religions privatisées caractérisées par une quête d'une nouvelle complétude donne également vie à une autre alternative qui est diamétralement opposée au bricolage, c'est-à-dire le fondamentalisme. Or, ce que finalement Menorah montre, et ce que montrent en général les congrégations messianiques, c'est que l'on peut bricoler dans des milieux religieux, certes fragmentés, mais conservateurs dans le même temps. De manière générale, la mouvance messianique montre aussi que le bricolage n'est pas l'apanage d'une classe moyenne en quête de bien-être, mais se trouve également au sein de populations qui sont beaucoup moins prospères, beaucoup moins cosmopolites. Chez Menorah, il ne s'agit pas ici effectivement de s'identifier au peuple juif. Il y a certainement une fascination chez eux pour le peuple choisi par Dieu, et de fait ils dénoncent l'antisémitisme passé et présent. Mais ils ont une vision tout à fait des Juifs et d'Israël qui est tout à fait anhistorique. Ils voyagent dans un univers biblique et rencontrent un peuple biblique. Et d'autre part, pour eux, les Juifs sont dans l'erreur puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Ils critiquent les rabbins qui imposent des pratiques religieuses obsolètes et inauthentiques pour eux et qui interdisent l'étude de passages de l'Ancien Testament qui, croit-on, démontrerait clairement qui est le véritable Messie. Donc ils ont une relation au judaïsme qui est très très, très ambivalente. L'intérêt pour les racines juives de la Bible et le soutien pour les juifs et leur soutien à Israël participe de la culture protestante conservatrice en Irlande du Nord. Mais pour les membres de Menorah, ce retour à l'Ancien Testament, à la Bible en hébreu, constitue une quête centrale de compréhension plus fidèle et plus pure du christianisme qui est liée à leur position de classe, et je vais expliquer ça. On insiste sur l'importance de la langue hébraïque, on déplore les mauvaises traductions de la Bible qui conduisent à des mauvaises interprétations et des mauvaises pratiques. On insiste sur le fait que Jésus était juif et qu'il faut comprendre la culture juive pour comprendre le message de Jésus. Donc on critique aussi l'Église romaine qui, en raison de son antisémitisme, dit-on, s'est éloignée de ses racines du christianisme et a corrompu le message initial. Donc ça se comprend dans le contexte nord-irlandais, mais surtout on critique beaucoup les théologiens, les savants, les pasteurs qui ne comprennent pas la Bible correctement parce qu'ils évacuent le sens hébraïque de celle-ci. Donc en contraste, ici on cherche une légitimité et une distinction via la connaissance du judaïsme. Et ça reflète ici la position périphérique et les stratégies de distinction de ses membres ainsi que des intervenants qu'ils invitent pour leur sermon du vendredi soir. C'est toujours des gens qui sont finalement sans institution ou dans des institutions tout à fait périphérique au niveau religieux. Donc mettre en avant finalement cette connaissance et cette soif de connaissance du monde juif, c'est une manière de se distinguer par rapport à des institutions légitimes. Donc on comprend bien finalement pourquoi les membres de Menorah sont réceptifs à ce genre de discours. Et je voudrais finir un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas seulement que finalement ils ne se retrouvent pas dans des églises plus légitimes, qui serait d'ailleurs sécularisé ou libéral, ou même dans des formes plus conventionnelles, mais peut-être plus de classe moyenne. J'ai pu aussi observer qu'ils entretiennent de manière générale des rapports ambivalents vis-à-vis des institutions non religieuses aussi, légitimes, et des élites intellectuelles, politiques. Donc il y a un vrai discours d'opposition qui insiste sur le fait d'être assujettis au pouvoir d'acteurs politiques et sociaux qu'ils voient souvent comme étant moralement corrompus. Leur frustration et leur critique reflètent ainsi souvent leur manque de pouvoir social de par leur position de classe. Leur conservatisme s'oppose donc à une élite libérale et cosmopolite, qui n'est cependant qu'une petite fraction en Irlande du Nord. Enfin, leur protestantisme et leur critique de l'Église romaine les distinguent évidemment des populations catholiques républicaines. Donc en d'autres termes, leur marginalité religieuse reflète leur position sociale relativement périphérique dans le champ religieux protestant. Et donc, je vais conclure rapidement. Le bricolage n'est donc pas l'apanage d'une classe moyenne qui se sent nécessairement autorisée à instrumentaliser la culture des autres pour son développement personnel. La mouvance messianique montre que l'on peut bricoler dans des milieux, je l'ai dit, fragmentés mais conservateurs dans le même temps, dans des milieux peu cosmopolites, socialement périphériques. Il y a donc différentes pratiques de bricolage, cannibalisme culturel ou stratégie de résistance et de subversion. Et peut-être on ne doit pas rester dans des oppositions dualistes comme ça, il y a peut-être aussi tout un éventail à développer. Dans tous les cas, le bricolage est intimement lié à des processus de distinction. Par conséquent, le bricolage des ressources culturelles et religieuses n'est pas une question purement personnelle, mais suppose des rapports de valeur associés à certaines de ces ressources qui ne sont pas équivalentes entre elles et varient selon le contexte religieux et culturel. Enfin, si j'ai pu montrer que l'exotisme religieux contribue à la reproduction des classes moyennes en leur permettant de développer un capital émotionnel valorisé dans leur profession, qu'une fraction de celles-ci utilise chamanisme, kabbale, yoga ou autre dans la production de biens symboliques spécifiques, dans le cas de Ménorah, il semble que le bricolage exprime et perpétue peut-être une position périphérique de ses membres. La question que nous devons donc nous poser à l'avenir, c'est donc celle des effets du bricolage ou des bricolages, qui est une question que Yannick a posée hier matin et qu'on a discuté aussi dans le programme PSL, à notre dernier atelier sur religion et classe sociale. Qu'est-ce que le bricolage et qu'est-ce que les ressources religieuses font en pratique ?